Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de Travail à cœur. Je suis Marilyn Gomez et c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire en exclusivité sur Radio Cause Commune. Le thème de cette émission est les femmes et la violence au travail, prévenir et reconstruire. Françoise Maréchal, quelles sont ces formes de discrimination? Sont-elles une forme de violence? Ah oui, tout à fait. Les formes de discrimination au travail sont variées. Vous pouvez avoir des discriminations au niveau de l'embauche, où un homme peut être préféré à une femme pour différentes raisons. Par exemple, elle est un peu jeune, elle pourrait avoir des enfants. C'est le genre de question, évidemment, que normalement, un recruteur n'a pas le droit de poser. Et puis ensuite, au niveau de la progression au sein de l'entreprise, on s'est aperçu que les femmes progressent moins vite et en tout cas, souvent, ont des salaires inférieurs à salaire égal, travail égal, comme vous le savez, et normalement aussi à diplôme égal. Or, la réalité est tout autre et c'est la raison pour laquelle des dispositions ont été prises par le législateur et en vue de la mise en place de l'égalité femmes-hommes qui aujourd'hui doit être mise en œuvre au sein des entreprises.